d'état prison, dans tout de contrôle, de Paris, bien sûr, allons au Christ. Modimba ye amumi oho, Modimba ye amumi omba yewe, Modimba ye amumi omba ye, Modimba ye amumi oho ye. Ouais, pourquoi m'as-tu fait cela? Et pourtant je tiens à toi. Mon amour, mon amour, wa wa ye, ando la mi ba.